médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou de refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres, bien entendu, vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, le mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, c'est-à-dire peut-être maintenant si vous écoutez en direct, rediffusion à 19h et le jeudi à 8h. Aujourd'hui au programme, eh bien, pas de programme électoral en tant que tel, un grand fourre-tout. Je vais vous proposer, eh bien, de s'arrêter quelques instants sur les chouchous retenus des disques sortis récemment, les chouchous retenus en ce mois de juin, extrait de notre top 30 que vous pourrez retrouver sur le site de Radio Dio. Comme à notre habitude, un grand éclectisme, pas de majorité claire ne se dégagera de cette assemblée de musique de bon goût, bien entendu. On va commencer tout de même, comme le rituel, avec le coup de cœur de la semaine. La semaine passée, j'avais consacré une émission au rap et à l'antiracisme, une petite story. Merci d'ailleurs pour vos retours positifs, ça m'a fait bien plaisir. Et bah, juste entre-temps, est sorti un nouveau morceau consacré à tout cela, un morceau qui s'appelle RN, un morceau du DTP Crew. C'est la team qui anime la Gova à Saint-Étienne un peu partout, de la team de la MJC des Tilleuls. Et ce morceau, eh ben ça me fait quand même bien plaisir de l'ouvrir, ce magazine, avec un morceau local contre le Rassemblement National. Gros big up au DTP Crew. 895 Dio, c'est parti. DTP. DBS, DBS. Dans ma ville, beaucoup de talents existent, je lâcherai pas le micro pour entendre toutes ces conneries. Ultra droite ou de facho, j'ai grandi avec la haine et Marlette dans les oreilles. Forcément, je suis un modèle, le modèle d'une jeunesse qu'on essaye de faire taire, mais bouillant comme un cratère. Des rimes, j'en ai des centaines, je pourrais écrire n'importe quel texte, mais bien sûr, ce que je préfère, c'est ce où je mets les termes avec un regard de travers. Je nique le RN et puis je nique le FN. À une lettre près, y'a pas grand chose qui diffère. Du coup, je ressors trois lettres NTM pour nous faire sortir de l'enfer. Si les fachos et les racistes sont de la partie, on écrira des textes poignants au fond de vérités blessants. Alors oui, nique ton vote, mais touche pas à mon pote. Qu'il soit black, blanc, beurre, je changerai pour personne. La jeunesse emmerde et emmerdera le FN. Personne pour capituler, on vient pour crier. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. La jeunesse est en feu, on va les allumer. Ils nous prennent pour des fous, d'amour je suis animé. Gouvernement couvert le bas, couvert de sang. Odeur de cendre de ce combat, on sera gagnant. Parce qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble. Je pense qu'ils ont peur, sans la fin du capitalisme. Du pareil au même, on s'en passera quand qu'il arrive. Votre système de merde, ça fait longtemps qu'il fonctionne plus. La jeunesse vous emmerde et ne cautionne plus. Leur haine contre notre amour, la vision semble rare. Mais le RN sera l'ennemi qui nous rassemblera. Hey le RN, on s'en bat les couilles de votre avis. Ici c'est le DTP, on va vous parler de la vérité. Marine Le Pen et Bardella, cassez-vous de là. On s'en tape de votre vie, on s'en tape de ce que vous dites. Nique le BFM, nique les fake news. Je les emmerde tous, un par un, wow. Bon des enfoirés, je vous parle de la vérité. C'est où votre liberté, égalité, fraternité? Égalité, fraternité. DTP ce soir, on a un message à faire passer. On va tout niquer pour notre pays, pour nos couleurs, pour notre sens de vie, pour nos valeurs. Fais le pas à contre-cœur. C'est juillet, on reprend les choses en main. Pas laisser passer ces fachos de merde. Bah ouais mon pote, écoute notre message. Bah ouais mon pote, écoute notre message. C'était le DTP Crew, spécial dédicace à Saint-Étienne, morceau qui était diffusé dimanche soir après les résultats des élections sur la place Jean Jaurès en exclusivité mondiale. Ça, c'était franchement une très, très belle sortie de track. On va continuer dans le hip-hop et dans le désordre du classement car finalement, le podium a bien peu d'importance. L'important, c'est d'aimer. Et on va partir en Allemagne. J'ai déjà présenté cet album d'une rappeuse allemande fort connue là-bas qui s'appelle Haïti, H-A-I-Y-T-I, et un album assez éclectique, apaisé par rapport à son début de carrière. Ça fait une dizaine d'années qu'elle rappe du côté de la Deutschland. Et là, je vous présente un morceau assez moderne qui, eh ben, peut-être va écorcher un petit peu les oreilles, un peu trop old school et boom bap du hip-hop. Voici le morceau Cheap Glock, donc extrait de cet album King's Zagen King, sorti sur One Little at the Corner. Ah, Cheap Glock, Glock est là, Halbasketa, Schwarzmarkt-Dealer, Waffenschieber, Kuhbleiben, Flucht, Warte, Matt, Black, Beamer, Petrolträger, yeah. Cheap Glock, Glock est là, Halbasketa, Schwarzmarkt-Dealer, Waffenschieber, Kuhbleiben, Flucht, Warte, Matt, Black, Beamer, Petrolträger, yeah. Cheap Glock, pull up mit nem Drug Dealer, duck die Stock wieder, Glock in der Hand, Kaliber, Block auf wieder, hab den Finger hot wie Fieber, Sniper, Janina, Drop Top mit dem Mob, das ist Hamburg, Digga. Dieses Jahr Bega, Bundesliga, über Skiller, macht deine Stadt platt, Godzilla. Du disst mich wie ein Ob, hab die Hand am Trigger. Doch ich geb nicht mal'n Fuck auf ne Bitch wie Giga auf nem anderen Level. Jeder, der mich disst, kriegt nen Clip, keine Donnerwelle. Wer der Boss ist, come on, ich bin lange schon Legende. Du bist der Shit, alright, zeig mal deinen Spot, die Hände. Komm mal wieder down, man, bevor ich down run beende. Komm oder renn oder guck, wie ich Venues book. Guck, wie ich flieg in die Top 100. Guck, wie ich dich kill, auch wenn du mich nicht besonders juckst. Keine Gnade für niemand, Cheap Glock. Glockkiller, Halbmaskierter, Schwarzmarkt-Dealer, Waffenschieber, Kuhbleiben, Flucht, Warte, Matt, Black, Beamer, Petrolträger, yeah. Cheap Glock, Glockkiller, Halbmaskierter, Schwarzmarkt-Dealer, Waffenschieber, Kuhbleiben, Flucht, Warte, Matt, Black, Beamer, Petrolträger, yeah. Cheap Glock. Them know some love kill evil, a brawling, make a damn killer, the lady. You fuck with the wrong people. Now a Wednesday grave dig in a cape. Who love road them can't go astray. Who not get shallow grave sure forget a raid. People dead when that chip lock a bait. Who a pick up badness nobody want do it. Every day we drive by and kill them off. I wanna day we catch everything dead off. Me me kill a them not hear more the chip clock. Spray a face get me smash. Fire halopine coppers a mixture. Them know so evil, love kill evil. A place hot and me killer them a do it. Glock killer, Halbmaskierter, Schwarzmarkt-Dealer, Waffenschieber, Kuhbleiben, Flucht, Warte, Matt, Black, Beamer, Petrolträger, yeah. Cheap Glock, Glock killer, Halbmaskierter, Schwarzmarkt-Dealer, Waffenschieber, Kuhbleiben, Flucht, Warte, Matt, Black, Beamer, Petrolträger, yeah. Cheap Glock. Any cotton is fucking pummeled me and he's getting fucking done. Oh fuck, here comes that don't pay up. They make me do bad stuff. Try and make me look like a city boy with food and paying enough. Oh fuck, here comes that don't pay up. They make me do bad stuff. Try and make me look like a city boy with food and paying enough. It's coming long conveyor on. One clock or a couple of grand, boat bang. I'll be at the front door, there's three shadows, you'll know what for. A crag. I'm sick of turning that. Even 2 seconds for a blow off your chap. Smoke lead back is a dangerous chap. My dad's fake in the filings. Cold when I'm out, wah. But your tails, you're fleeced. Spent your money on the kid last week. Spoof. What you talking shit for? Cause see a brand new PS5 in the corner. Mish. Shink a load of the huff a leg. Time to go. A little Tarantino. A little green bag. Sweat spit. And an echo. More car red pro. We got the wrinkles. Then yeah. Tyler to the coach Fickler. Stick a mouth down under the pavement. Gold a shot on a V-Mod Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Kurt Figger and Ted the Wham. Hello! Costner's Tanya Malau. Fake word, no, no, a fake, a glam. Can't slam at the wild chop chop skin fade. We shave and a bit off the top kneecap. No longer the one stop shop for bricks to profit off of our stock. Now I've got some heavy by the fringe. The wee cock makes me cringe. Please, man, it's in the quiz. Superman tonight, that means I'm coming into money. Murder bench. He got deep shining in his chakra. Come and shoulder revealing your jaw like your chakra. Digging too thick or too strangle if I have to. Lips blue your eyes bloodshot like a rasta. More special and popular. Asphyxiate you if you're shot than you. Bit too arty here. Murder me clarity here. In case in the conchon, I was smarty, yeah. Fake a linya, Kylie to the coach fake. Stick a move down under the pavement, golden shot on a Vimo Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Curse trigger and take the wand. Hello! Castro's turning my loud fake boy, no, no, I fake a gland. It's a dash bit of my leg walk. He's not a drug dealer, a sang on my walk. He's fresh from a shank at the top of the rock. He was constantly asking me for a top. I walked in shock, neither than revealing a vent or to my god lover. Her son did suffer, come next summer, she's still be paying your strap. Boots through the door, time with your niche the high. When he made an egg max to the wah. Your van and your toaster were kicking a lot. But I need that for work, cause it's all that I've got. Oh fuck, far booked. We stand down on his luck. At night he's gurning, cause decap are taking all of his stuff. Ha ha, don't call him a walla. So don't tell he boys did the walla. It's time to grab you, got family photograph. I talk rock you in Sahara. Fuck it, we make it more. Lodges are rude to score. It's time Pacific father made a fuck 20 quid to shot a goal hard four. Fake a linya, Kylie to the coach fake. Stick a move down under the pavement, golden shot on a Vimo Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Curse trigger and take the wham. Hello! Costner's turning my loud fake word, no, no, I fake. I fake a linya, Kylie to the coach fake. Stick a move down under the pavement, golden shot on a Vimo Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Curse trigger and take the wham. Hello! Costner's turning my loud fake word, no, no, I fake a glam. Cette petite tuerie qu'on vient d'entendre, c'était Kneecap, K-N-E-E-C-A-P. C'est un groupe qui nous vient de Belfast, en Irlande. C'est leur premier album. Il s'appelle Fine Art et est sorti chez Pias. Kneecap, en fait, il rappe en anglais et en gaélique irlandais, et oui, le gaélique irlandais, donc langue un peu autochtone et du coup qui est utilisée largement dans cet album pour parler de l'histoire de l'Irlande, de l'héritage de la jeunesse et d'un rêve de réunification possible des deux Irlandes. Un crew assez malpoli, provocateur qui déchaîne le public et la chronique. Kneecap donc à surveiller de près. On va continuer, allez quoi, on va se mettre un petit dub, tiens, tout à fait. Un 45 tours qui est sorti, que j'ai beaucoup apprécié, il s'agit de Dub Amin. Sur le titre qu'on va écouter là, il est en compagnie de Johnny GoFigure. Le 45 s'appelle Bulletproof et c'est sorti chez ESDZ. C'est parti, Dub Amin. Listen, Keely, as me sit down on the rhythm. them I be riding easy. Ain't no zone in the universe that man like we. If you think you can, you're living in a fantasy. Pupa Johnny just attracted with intelligence. I mean no send them I feel it in a New York City. But me I figure them to them internationally, yeah. Me never upstep with any partiality. Circle shot just a tweet, just a tweet, just a tweet. With the clocks them pounding feet, pounding feet, pounding feet. Double me them just a tweet, just a tweet, just a tweet. And they read them well sweet, well sweet. Hey, yeah. They read them. Raise up the tweet out, raise up the speaker. Feature. Cause this a dopamine sound that we a feature. Cause this a dog style sound that we a feature. You know say push on you them up to run the nation. Murder star. I see this one a star, this one a lava. Crucial. Every time from Brooklyn, New York to worldwide, y'all. Say so if you never know so. If you know so, why didn't you say so? Love it on the house. Hey, yeah. They're in the mud, they're in the mud, they're in the mud. It's better than the Isla, all of the Remington. You try to find your good chat with a sniffy wet sun. But they're in the bulletproof, so you can never cross no armor. So when they come to limit, shot, you know me at the charm. It puts you in a panic, make you ring the alarm. No matter if I lay at night, blues are early warm. We taking on wrong, so long we make me grown. So, I run but up like this gon' never malfunction. That's why we have the massive in a fascination. Them other babies on them too moderation. When we beat and teach you, see them in a aggravation. Raise up the tweeter, raise up the speaker. Dopamine sur le 895 de Dio. On enchaîne tout de suite avec cette fois un projet qui va nous emmener à la fois au Sénégal et à Berlin. Il s'agit du groupe du chanteur et musicien Aaron Otignon, donc originaire du Sénégal, mais qui vit à présent à Berlin. Il a rencontré là-bas un percussionniste sénégalais lui aussi. Dans son studio, ont monté ce projet qui s'appelle Aaron and the Jerry Jerry Band. L'album, il s'appelle Dama Bega NBB, en Wolof dans le texte. C'est sorti sur le label Urban Trout. C'est très percussif. C'est très contrasté, c'est très comme ça, mais des fois c'est différent. Thank you. ayo borom galay gal doore o deugul sabar gal doore deru bay yaangi gal doore deru nak yaangi rumbah rumbah ci sabar lay rumbah rumbah sabar lay ni bakna jinnal te nga begal ma bakna jinnal te nga begal ma yanuy mom ak gëna wor ma len di mom suma jine dana nekh dana saf dana tar dana tar dana tar xamna ni xamna ni xamna Jerry Jerry Band sur le 895 de Dio. On va partir sur l'optique de quelques tracks avec des connotations un peu plus issues des musiques électroniques au sens large et commencer par l'album de Basil Tree. Il est français, alors je sais pas comment on dit. Ça sort sur Infine Music, un label que je partage largement avec vous, qui a aussi sorti une compilation qui s'appelle Club Infine avec des remixes assez dance floor de tout leur catalogue. Alors il y a tous mes chouchous, toutes mes chouchous, mais du coup avec des beats un peu house pour passer en club. Il y a quand même 2-3 morceaux qui sont vraiment vraiment bien et je vous les conseille. Si vous aimez les côtés un peu plus dance floor, eh bien écoutez donc cette compilation Club Infine. Mais je vais revenir donc à cet album de Basil Free. Il s'appelle 43 degrés. Et même s'il n'y a pas de texte dans l'album, tous les titres des morceaux font clairement référence au réchauffement climatique et à cette planète qui est en train de bouillir de folie. Un album d'électronique très varié qui emprunte à de nombreux genres et de nombreux BPM de l'univers de la techno-basse. À l'image de ce Secret Gathering qui oscille entre douceur, basse musique et IDM, comme on pourrait dire. Voici donc tout de suite Basil Free sur le 895. Thank you. Radio Dio 89.5 FM. Radio Dio, et à l'instant c'était Matziz, M-A-T-Z-I-Z, un cinquième album pour ce producteur, un cinquième album autoproduit qui s'intitule, que je ne me perde pas dans ma liste, où es-tu, Madziz, Bilia. Et qui en fait, Bilia, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire Brigade Internationale de Libération de l'Intelligence Artificielle. C'est un album concept, la BO d'un manga fictif qui parle de la lutte de l'intelligence artificielle pour ne pas être utilisée méchamment par le libéralisme humain. Un album que je vous conseillerais aussi. À nouveau, c'est les musiques électroniques avec un S. Il y a effectivement des côtés comme ça, des côtés plus planants, des côtés plus basses, des côtés plus droits. Moi, j'aime bien ce qui bouge un petit peu les virages, vous l'aurez sans doute remarqué. Madziz, donc, sur le 895. Je vous présente maintenant un trio électro qui ne date pas d'hier, puisque leur création remonte à 1996. Ils viennent d'Helsinki, en Finlande. Ça s'appelle, alors, Pep de Luxe, quelque chose comme ça, P-E-P-E. Deluxe avec un EX aigu à la fin. C'est un album qui s'appelle Comics Sonics, autoproduit lui aussi, et qui a le mérite à nouveau d'enfoncer toutes les portes, mais alors là, toutes les portes. C'est-à-dire que c'est pas juste on va mettre un petit peu de techno avec de la drum and bass et des trucs comme ça, c'est qu'on prend aussi la soul, le funk, le rock, on mélange tout, on sait vraiment plus du tout où on est. C'est ce qui fait que cet album défriche de manière extrêmement attachante. Bien entendu, aucun extrait de cet album ne peut représenter le disque, c'est le problème de présenter un seul morceau à la radio. Alors j'ai décidé de faire un choix, car vous le savez, on a beaucoup entendu parler de faire des choix ces temps-ci, j'en ai fait un. Comme beaucoup de choix, il est sans doute discutable. J'ai choisi celui qui me semble le plus tubesque, peut-être un peu old school et big beat, ça rappelle un petit peu les années 2000. À l'oreille, mais bon, enfin, je veux dire, il n'y a pas que des mauvaises choses qui se sont passées dans les années 2000. Le titre s'appelle Earth Boys Are Easy. Tout de suite, Pep de Luxe sur le 895. Taking some time away from work. Inside, I had a break line. I tried a postcard from the merch. Some kind of news to send an invitation to your home. I know what to do. Here comes the girl. Plus fort j'entends rien, consacré à la mise en avant des nouvelles entrées dans la programmation de Radio Dion. On continue à parcourir un petit peu notre sélection de manière désordonnée. Le désordre est complet et c'est ce qu'on aime. Et là, eh bien, je vous propose un single, puisque l'album n'est pas encore sorti. Il s'agit d'un tout nouveau groupe qui s'appelle Mina Rahayeb, R-A-A-Y-E-B. C'est un groupe français. Un trio. Il y a deux personnes issues du rock'n'roll qui entourent le rappeur Lemmy Delamar. Le EP sortira au mois de septembre prochain. C'est le premier single, Reset, que je vais vous proposer et qui va ravir les oreilles rockeuses qui aiment quand même sa coquiner avec ces petits trucs du rap quand même un petit peu, et qui ravira les fans notamment de ces projets sombres et froids tels Delec, Def Grips ou Doukoum, enfin tous ces trucs de hip-hop qu'adorent les oreilles rock. En voici la preuve, Mina Rahayeb, tout de suite sur Dio. Keep telling yourself you failed. Keep thinking that you ain't able, man. You're putting yourself to shame. Keep telling yourself some fables. Keep telling yourself you failed. Keep thinking that you ain't able, man. You're putting yourself to shame. Ain't nobody knows how it feels to wave your toes above a black hole that could just swallow a soul. Ain't nobody knows how it feels to wave your toes above a black hole that could just swallow a soul. Take a deep breath. Not to run away, but to reset. Don't spend another night sleepless. Another day, another lack of respect. You're all about it, you chose this life. I wrote about it, I rolled the dice. My thoughts running in circles, poltergeist. I fought just to be above them other guys. The soft and the belly, people are trapped in jelly. Comfort is your enemy, but that's where I aim my energy. When did you die? When did you die? When did you die? When did you stop trying? How can I change? How can I be you? Cause you do it, yeah, you do it without cheating. Most people waiting for a change like it's baby Jesus. Most people waiting for a narrative to find a peace in. Most people, why can't I be most people? Don't let loose of the wheel. Grab all your ideas and be committed for real. You've been raised in a hell pit for the mind, where they praise for the selfish and the blind, where they lost sight of what makes life life, where they kill and they steal but they say it's right. Cause they have the right, yeah they have the law, yeah they have the law, and right inside the door. How much will we endure till we can't breathe, till we can't soar? Fuck yeah, it shouldn't be a game to these gamblers. We should all be ashamed that they played with us, but we're sedated. Even though we hate it, fake it till you make it, but nobody makes it. Working on your ego, but true heroes wear no capes. They busy building better days, no writing leaps of faith. Working on your ego, but true heroes wear no capes. They busy building better days, no writing leaps of faith. Mina Rahayeb, donc, premier extrait d'un EP à sortir en septembre qui s'intitule Opponents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on fait un petit focus, on prend le temps, on va écouter deux morceaux du disque classé numéro 1 du Airplay de juin 2024 de Radio Dio. Il s'agit d'une compilation qu'on a découverte avec le réseau Ferrarock, compilation éditée par le label Cartel, sortie en juin dernier. C'est le deuxième compil de ce label, créé par Margot Auger et Lisa Banteni. Une maison de disques qui se veut féministe, généreuse, joyeuse et défricheuse. Et voilà, alors il y a une citation en début de la présentation de ce disque. La critique musicale, c'est comme le barbecue. Il faut se lever tôt pour voir des femmes s'en emparer. Je vais avoir du mal à contredire cette sentence plus que vraie, mais me permettre de rajouter donc qu'en partant de ce constat, cette maison de disques Cartel s'est donné comme objectif de mettre en lumière et d'accompagner pas mal de projets musicaux portés par des femmes, des personnes transgenres et non-binaires. Et pour ce faire, elles ont ratissé large dans de nombreuses esthétiques, autant pop, synthétique, post-punk, noise. Une compilation extrêmement variée avec de super belles découvertes. C'est pour ça que j'ai choisi, je crois, 4 morceaux extraits de cette compile dans les mix et selecta que vous entendez depuis quelques temps et que vous entendrez cet été. Alors, deux illustrations sonores donc pour marquer cette diversité. Je vais vous proposer tout d'abord le groupe Cobra. Et ce sera suivi par un projet très original, un projet qui s'intitule Nout, qui commence avec de la flûte traversière, un peu jazz. Pourtant, j'ai beaucoup de mal avec la flûte traversière, un peu jazz. Et qui finit en noise punk avec de la flûte traversière, un peu jazz, mais cette fois très très free. Un morceau assez surprenant, donc voici Cobra suivi de Nout, extrait de Cartel volume 2. Si vous voulez plus d'infos, bien sûr, je vous renvoie au site ferrarock.org. Soleil, soleil sur la plage, mirage. Capeno Radio Dio Radio Dio 89.5 FM. Cobra, et à l'instant Nout, extrait donc de cette deuxième compilation sortie par le label féministe Cartel, et bien entendu, écrivez-le, C-A-R-T-E-2-L-E, qui sont de rigueur. Ça a ouvert la brèche un petit peu à un moment un petit peu plus rock. Allez, on va dire ça. Allez, on va dire ça, même si c'est pas vrai. En même temps, qui de plus culte que Nick Cave pour incarner le rock, finalement. Nick Cave, de retour avec les Bad Seeds, un nouvel album prévu pour le 30 août prochain et un premier single sorti. Donc, ce mois de juin, un très beau single, comme ils savent le faire. Ça semble être le titre d'ouverture de cet album à venir. Il s'intitule Frogs. Allez savoir s'il parle des Français, des Françaises, je ne pense pas. En tout cas, ça augure du meilleur pour cet album qui saura ravir notre rentrée prochaine. Sunday rain. Hop inside my coat. In the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutters. I'm leaping to go. Il vieillit bien le bougre, le retour donc de Nick Cave en compagnie de ses inusables Bad Seeds, à suivre le 30 août 2024, 30 août prochain, au retour des vacances. On va finir, c'est la clôture de cette émission, et on va finir avec deux groupes intégralement féminins et intégralement locaux. On va commencer par Clume, un trio vocal polyphonique que on vous avait déjà proposé de découvrir sur scène lors d'une duophonie au Clapier il y a comme scène de cela quelques années, qui écume les scènes de Loire et de Haute-Loire de manière inépuisable et qui a enfin enregistré son premier EP. Un très joli son d'ailleurs après leur démo, ça fait bien plaisir de mettre en valeur ces morceaux de cette manière. Une grosse dédicace à Johan Coste au micro et à la console. EP donc avec beaucoup de morceaux en occitan et deux morceaux en français qui ont largement su ravir mes oreilles. J'ai trouvé que ça faisait du bien. C'est vrai qu'il commence à y avoir quand même beaucoup de chorales, hein. Je suis pas contre, pas du tout, on en joue et j'aime beaucoup, mais finalement le français c'est pas mal, en plus ça change un petit peu de groove et ça va aussi parfaitement avec cette petite spécificité du trio Clume, qui est un petit minimalisme répétitif qui a toujours subu taquiner mon oreille de manière assez plaisante. On va écouter un morceau qui s'intitule Les Remèdes. Et on enchaînera ensuite avec un autre groupe venu de Saint-Étienne. C'est un duo plutôt folk soul, le duo de Sacha et Lorina, deux frangines qui ont sorti leur EP en février dernier, mais on a reçu le disque un peu en retard. Alors on avait déjà joué le groupe, mais c'est pas une occasion pour s'arrêter en bon chemin. Et on écoutera leur titre Malaka Mai, qui leur permet de revenir sur leurs origines créoles autour d'une question centrale de ce EP. Est-ce qu'il faut brûler ses racines ou bien les célébrer? Je vous laisse, bien entendu, seul juge de cette question. J'ai rien à vous dire, finalement. Rien à vous dire. Voilà, j'ai rien à vous dire. On écoute Clume tout de suite, donc, sur le 895. Radio-Dio, 89.5 FM. Ooh. mala cama, vamos de foa. Pense de moi, vamos en pied bois. Nos âmes sont fortes, elles viennent du sol. Nos peurs légères, pour qu'elles s'envolent. Malakamai, crois-tu qu'il faille fuir l'origine? Brûle, brûler les racines. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. Allô, ta voix m'a dit de si loin, tout va bien. Bien sûr, le feu brûle, mais tout va bien. Bien sûr, les vagues n'ont pas, tout va bien. Bien sûr, la terre tremblera, oui, mais tout va bien. Bien sûr, la terre tremblera. C'est se nourrit de toi. Je suis à un point que je ne pensais pas atteindre. Une paix qui semblait bien trop loin pour mon âme. Ou pas si le temps le veut bien. Je travaille toujours au souvenir. Malakamai, c'est le nom du morceau, puisque Malaka, c'est le nom du groupe, et Mai, c'est le nom du EP. C'est sorti dans le 4-3 chez Greenpeace, et c'est là-dessus qu'on finit cette sélection musicale de Plus Fort, J'entends Rien. Eh bien, je vous souhaite une excellente suite des programmes, bien entendu, prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.